فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ Fuit devant un lion. بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً Chaque individu parmi eux voudrait recevoir des feuillets spécialement déployés pour lui. كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ Non, plutôt ils ne redoutent pas l'autre monde. كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ Non, ceci est un rappel. فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ Alors, s'en souviendra qui voudra. وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Mais ils ne s'en souviendront que si Allah le veut. Lui, le seul digne d'être craint, lui, le plus digne de pardonner.